Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net. Nous voilà repartis pour une nouvelle édition de l'émission Les Bons Plans Solidaires. Alors on est très nombreux autour de la table et c'est super. Bonjour Alain. Bonjour Lionel. Alors tu vas nous parler d'un bon plan bus à Nancy et qui est en plus écolo. Ensuite, nous aurons aussi Bertrand. Salut Bertrand. Bonjour Lionel. Alors nous, c'est la surprise, on va voir ce quoi tu vas nous parler. On aura Candice du Faitout. Salut. Bonjour Candice. Bonjour à tous. Qui nous donnera sa petite recette comme tous les mois. On aura aussi Patrick. Bonjour Lionel. Bonjour Patrick. Et donc lui, c'est notre petit nouveau qui, dans ce monde de brut, viendra nous lire une de ses poésies. Voilà. Peut-être plusieurs si on a le temps. Eh bien, et puis on aura des invités, bref, il y a plein de choses. C'est parti, on démarre, en avant. Et on commence tout de suite donc l'émission avec Alain. Alain, alors tu nous as, ce mois-ci, préparé un bon plan écolo, surtout quand on habite en ville, c'est de prendre l'habitude d'utiliser les transports en commun. Et sur Nancy, on a pas mal de lignes au niveau des bus. Donc tu as été faire ta petite enquête sur les lignes de bus. Alors explique-nous déjà, je suis à ça plus âgé, j'ai jamais pris le bus, je monte dans le bus, je dois prendre un ticket. C'est ça ? Bon, si admettons c'est pour une heure, prenez qu'un seul ticket. Vous allez voir le chauffeur, vous lui demandez un ticket à 1,70€ avec le chauffeur. Si vous le prenez à l'extérieur, à la borne, c'est 1,40€ et ça ne dure qu'une heure. D'accord. Alors ensuite, je veux le prendre plusieurs fois. J'ai des abonnements possibles ? Comment ça se passe à Nancy ? Je dirais avec un seul pass, si vous n'avez qu'une heure, vous pouvez prendre 2-3 bus. Ouais. Ça dépend de la durée. Par contre, si vous avez un pass comme moi, vous pouvez prendre 10, 20, 30 fois par jour. Alors, toi, si j'ai bien compris, c'est un pass illimité. Voilà, de 31 jours. Ah, ça doit coûter cher, ça, non ? Non, il me revient à 19,95€. C'est un pass de la solidarité, c'est-à-dire que c'est un pass pour ceux qui touchent les récents. Et ce pass, il coûte combien alors par mois ? Combien ça te coûte ? Ben, il revient à même pas 20€, 19,95€. Voyage illimité, tout le mois ? Tout le mois. Ah, ça, c'est bon, un bon plan. Il faut quand même le recharger une fois par mois. D'accord. Hein ? Et 2 jours à l'avance. Et alors, hormis les personnes qui bénéficient de la CMU, est-ce qu'il y a des passes mensuelles pour... Il y a aussi des passes, qu'on appelle ça le pass 2. Oui, alors. C'est-à-dire que c'est pour 2 trajets d'une heure. Mais que c'est personnel, on n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Et pour tout le mois, il y a des abonnements possibles sur tout le mois ? Oui, il y en a, mais c'est très cher. Ah. Il faut compter entre 34€ et 45€ suivant votre salaire. Alors, on va lancer un petit appel à tous les décideurs pour qu'ils revoient un peu les tarifs, parce que si on veut plus se promener en bus, en voiture dans Nancy, ce serait peut-être bien de faire des tarifs intéressants et que tout le monde prenne le bus. Bah, comme ça, c'est sûr qu'une voiture sera quitte d'avoir une amende, parce que ça coûte très cher. Et le bus, c'est aussi pratique qu'une voiture. Bien sûr, et en plus, il n'y a pas de souci de parking. Voilà, c'est vrai. D'accord. Mmh. Bon, eh ben voilà, on a tous... Oui, tu voulais... Il y a aussi le pass pour les seniors. Ah. Les anciens. C'est-à-dire qu'au début, ils ont des carnets de 10 tickets, mais comme ça va vite, ils le prennent 3-4 fois par jour, ils rachètent des autres passes à côté. D'accord. Et donc, ça revient à peu près combien pour... C'est gratuit. Les 10 tickets sont gratuits. C'est-à-dire qu'à 3 carnets de 10, c'est gratuit. D'accord. Et puis après, c'est le prix normal. D'accord. Alors, il ne faut pas oublier aussi que sur Nancy, ça c'est quand même une bonne chose, tous les week-ends, C'est-à-dire que le samedi et le dimanche, toute l'année, c'est gratuit. Voilà. Mais il ne faut pas en profiter pour ne pas payer la semaine. Parce que là, c'est une amende qui n'est pas gratuite. Complètement. Bon, t'as bien présenté tout ça. Oui. On te remercie et on te retrouve le mois prochain. Oui, pour les fêtes. À bientôt. Merci, au revoir tout le monde. Et c'est au tour de Candice de nous rejoindre. Bonjour Candice. Bonjour à tous. Alors, Candice, tu fais partie de l'association Arelia et tu animes une nouvelle action qui s'appelle Le Fait Tout. Donc, du coup, c'est l'occasion que je vous présente une recette, un one pot pasta. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce concept-là. Pas du tout. Donc, en fait, l'idée est très simple. C'est la solution idéale pour des repas rapides en utilisant très peu de vaisselle parce que tous les ingrédients qu'on va mettre, on va le mettre dans un seul récipient. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui n'aiment pas trop la vaisselle. Donc, super. Ce one pot pasta hivernal, alors au niveau des ingrédients, on a 70 g de pâtes, 200 g d'épinards, donc on peut prendre du surgelé, mais si vous avez du frais, c'est encore mieux. On peut prendre aussi des olives pour mettre un petit peu de goût. Et au niveau du fromage, on a de la mozzarella. Concernant la sauce, on prendra 200 ml de tomates concassées ou de purée de tomates. Un petit peu de sel, du poivre, basilic, origan. Après, au niveau des épices, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Et 220 ml d'eau. Alors, concernant la préparation, c'est vraiment tout simple. Il suffit de placer tous les ingrédients dans une poêle à bord eau ou un wok, puis le mettre à chauffer à feu moyen avec un couvercle. Il faut laisser cuire 10 minutes le tout en mélangeant de temps en temps les pâtes pour qu'elles ne collent pas au fond. Et normalement, au bout d'une quinzaine de minutes, vous avez votre one pot pasta hivernal pour vous réchauffer cet hiver. Alors c'est chaud, c'est bon, il y a plein d'odeurs et d'épices, on a testé, donc c'est vraiment une bonne idée. Faites-le chez vous si vous n'avez pas beaucoup de vaisselle, parce que le but aussi du tiers-lieu, Le Fait Tout, hein, c'est bien de permettre à des personnes qui n'ont soit pas les conditions idéales pour cuisiner, soit parfois logées en hôtel et donc n'ont même pas du tout les possibilités de cuisiner, de faire des recettes pratiques. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tous les mois, puis tu nous donnes une petite recette. Eh bien, je serai présente, pas de souci. Eh bien, super. Merci beaucoup, Candice, et au mois prochain. Au revoir. Et bien maintenant, on va écouter notre première pause musicale. C'est un album qui est sorti le 4 novembre. Qu'on connaît bien, Dutronc et Dutronc, c'est-à-dire le père et le fils sont montés sur scène, sont partis en tournée. Ils nous ont fait un album, studio, et leur tournée se termine et va se finir à Paris, devant 40 000 spectateurs. Et donc, on va s'écouter de cet album un extrait, une chanson très connue de Jacques Dutronc, Les Cactus. Et on se retrouve juste après. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Ah ah ah ah, dans la rue, il y a des cactus. Moi je me pique de le savoir. Aïe aïe aïe. Ouh. Aïe aïe aïe. Dans leur cœur, il y a des cactus. Dans leur portefeuille, il y a des cactus. Il y a des cactus dans leur gilet. Il y a des cactus. Aïe aïe aïe. Bouille. Aïe aïe aïe. Pour me défendre de leurs cactus, à mon tour j'ai pris des cactus. Dans mon lit j'ai des cactus. Dans mon slip j'ai mis des cactus. Aïe aïe aïe. Impossible de s'asseoir. Oh, il y a... cette pause musicale, on retrouve Bertrand. Bertrand, tu reçois aujourd'hui Nadia Tabiak de la ville de Vendeuvre. Alors, on te laisse avec elle. Bonjour Nadia Tabiak. Alors, vous êtes agent de développement social et vous travaillez pour la ville de Vendeuvre à l'espace Yves Coppens. Alors, quel est votre parcours et qu'est-ce que l'espace Yves Coppens ? Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Alors, je vais commencer brièvement par mon parcours. En fait, je me suis engagée dans le mouvement associatif à l'âge de 16 ans. Et j'ai un parcours de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la culture et l'éducation populaire. Alors, concernant l'espace Yves Coppens, c'est un espace qui est situé au cœur du quartier Vendeste Étoile. Alors, c'est un espace polyvalent communal qui est équipé de deux salles et d'une cuisine. En fait, c'est un lieu de vie, hein, de rencontres avec des animations, des ateliers divers, des activités pour les jeunes. Mais c'est aussi un espace qui est mis à disposition pour les associations et des événements familiaux le week-end. Merci. Vous intervenez dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain, dit NPRU. Quel est votre rôle exact dans la réhabilitation ? Alors notre rôle à Mohamed Djemli, qui est responsable de la structure et moi-même, consiste à transmettre les informations qui sont relatives au futur aménagement urbain prévu par la métropole auprès des habitants du quartier Vendeste Étoile et puis aussi les partenaires associatifs. D'accord. En préparant notre interview, vous m'avez informé d'une manifestation prochainement. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, et cela concerne le nouveau projet de renouvellement urbain. Alors en fait, un premier temps de transmission d'informations par la métropole a eu lieu en mai 2021. Et donc là, il s'agit d'une réunion publique dans le cadre de la nouvelle concertation engagée avec les habitants et les commerçants du quartier Vendeste Étoile, qui aura lieu le samedi 19 novembre. Et des animations ouvertes à tous seront mises en place à l'espace Yves Coppens. Alors parmi ces animations, le travail de mémoire mis en place par la ville de Vendeuvre aura un espace dédié. Ce jour-là, les habitants pourront échanger, découvrir la plateforme participative et citoyenne créée spécialement hein, par la métropole du Grand Nancy. Alors, par le biais de cette plateforme, ils pourront désormais témoigner hein, sur la vie de ces grands ensembles, évoquer leurs souvenirs de quartier, laisser une trace. Et puis contribuer au travail de mémoire qui s'instaure petit à petit. Merci. Quels sont les projets à venir à l'espace Yves Coppens ? Alors en fait, on a trois temps forts en 2023. Alors, le coup d'envoi de la première manifestation aura lieu en avril avec le Festival du film documentaire d'action sociale organisé par l'IRTS Lorraine en partenariat du groupe solidaire actif d'Arélia. Donc un groupe de jury Coppens constitué d'habitants du quartier aura le privilège de visionner les films en avant-première et participer au vote pour la remise du prix de la solidarité. Alors des projections de films spécial jury et une projection publique suivie d'un temps d'échange et de débat en présence des réalisateurs auront lieu espace Yves Coppens pour la deuxième année, dans le cadre de la décentralisation du festival. Donc là, c'est notre premier temps fort. Ensuite, on poursuit en mai avec la Fête des Lumières. Alors cet événement sur le thème de la transition écologique est organisé par l'Université populaire de Vendeuvre, qu'on appelle UP2V. En partenariat évidemment de la ville de Vendeuvre, l'ensemble des partenaires associatifs, ainsi que les habitants qui, eux, seront associés à l'organisation. Alors cette manifestation participative fait partie des temps forts sur le quartier. J'insiste sur l'aspect participatif. On fait avec et pour les habitants. Et enfin, pour finir la saison, des animations estivales en août. Alors là, c'est en direction ouvert à tous, mais en direction principalement des familles et des jeunes qui partent pas en vacances. Donc, seront organisés des jeux de plein air en libre accès, des animations culturelles, sportives, tout le mois d'août, gratuitement. C'est également une deuxième édition qui répond à une demande des habitants. Alors, en plus des temps forts que je viens de vous évoquer, il y aura des actions ponctuelles qui seront mises en place afin de répondre, encore une fois, aux demandes des partenaires associatifs et des Vendopériens, en particulier sur le territoire du quartier Vendest-Étoile. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ou pour finir alors là, c'est en cours d'élaboration, une présence sur les réseaux sociaux principaux, en fait, pour apporter plus de visibilité sur nos actions. D'accord. Donc, si vous voulez plus d'informations ou nous contacter. Oui, j'ai une petite question. Oui, L'espace Yves Copain, c'est en principe mis à disposition pour les associations et puis des événements familiaux. Est-ce que ça a un coût ? Alors, c'est une mise à disposition gratuite pour les associations vendopériennes. En revanche, concernant les fêtes de famille, c'est des locations. Donc, sauf erreur, c'est ce type de structure communale qui loue l'espace Yves Copain uniquement le week-end. Hein. C'est un peu unique sur la métropole, surtout avec des tarifs qui sont vraiment, j'ai envie de dire, symboliques. Ouais, plus que sympa. Plus que sympa. Et ça répond à une demande. C'est de l'ordre de combien, justement ? Ça peut être 50, 100 Alors, c'est moins de 100 euros. Moins de 100 euros, voilà, avec donc pour mise une, à disposition. Une festivité familiale un samedi soir, par exemple, ou un samedi après-midi, c'est moins de 100 euros pour la salle Copains. Oui, alors évidemment, il y a des heures de fermeture. Si les familles veulent dépasser les 23 heures, évidemment, il y a un petit coût sur les heures supplémentaires. D'accord. Et donc, oui, c'est ouvert pour des fêtes de famille, mais entre amis, régulièrement, il y a des mariages, des baptêmes. Enfin, voilà, c'est vraiment un service rendu à la population. J'insiste sur le fait que, voilà, au sein de la métropole, c'est une salle, encore une fois, au cœur d'un quartier populaire qui répond principalement aux demandes des habitants et des associations qui font vivre ce lieu. Ce sont les acteurs de locaux de cet espace. Et vu les demandes qu'il y a à longueur d'année, moi je peux dire de l'extérieur que c'est vraiment une vraie attente qui correspond aux besoins des gens. Oui, d'autant plus que la structure via la pandémie a été fermée et que là, il faut s'y prendre à l'avance. D'ailleurs, si pour compléter ma réponse à votre question, c'est le service des relations publiques de la mairie de Vendeuvre qui est en charge de réceptionner les demandes de mise à disposition, d'une part pour les associations, et d'autre part, pour les locations privées, pour les habitants. D'accord. Merci beaucoup, Nadia, pour votre disponibilité. Est-ce que vous pourriez nous rappeler vos coordonnées à l'espace Copain, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Et puis, je vous remercie de l'invitation. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur place. Espace Yves Copain, allée de Marquen à Vendeuvre, les Nancy, ou par téléphone. Alors, au 03 57 80 58 35. Je répète, 03 57 80 58 35. Merci, au revoir et à bientôt. Merci maintenant pour cette interview et tu restes avec nous puisque maintenant tu vas essayer de répondre à une question d'un auditeur de Fadjet qui nous disait, est-ce que en ces temps de pénurie où il faut faire attention à la consommation de nos énergies, est-ce que c'est rentable et intéressant, lorsqu'on est absent, d'éteindre complètement sa chaudière ? Alors, je crois que tu t'es un petit peu renseigné, que tu as pris 2-3 infos de ci, de là. Oui, alors j'ai regardé. Alors, la consommation d'une veilleuse, ça a l'air de rien, mais ça représente quand même entre 60 et 250 mètres cubes par an. Ah ouais ? Rien que la veilleuse. Donc, ce qui représente en kilowattheure entre 673 et 2800 kWh, parce qu'il faut savoir que quand on regarde son compteur, c'est des mètres cubes, mais en fait, sur la facture, c'est toujours transformé en kWh. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, il y a un petit calcul à faire. Donc, ça représente quand même entre 45 et 180 euros par an. Ah oui. Rien que pour la veilleuse. Oui, c'est vraiment surprenant. Donc, maintenant, tout dépend, en fait, du type d'habitation. Oui. Et tout dépend également de l'usage de la chaudière. Si la chaudière ne sert que pour le chauffage, ou si elle sert pour le chauffage et pour l'eau chaude. Donc tout dépend de votre mode de vie. Donc si vous habitez une maison, est-ce que ça vaut le coup de descendre à la cave systématiquement tous les jours pour couper le chauffage, puis repartir en rentrant, pour économiser 45 euros pour l'année, on ne sait pas. Maintenant, si vous habitez dans un appartement et que la chaudière est directement à la cuisine, ça peut valoir le coup, effectivement. Bien sûr. Parce qu'il faut quand même savoir que donc, c'est 60 mètres cubes, enfin c'est 673 kWh minimum, pour la veilleuse de consommation, rien que pour la veilleuse, ça correspond quand même à la consommation moyenne pour la cuisson pour une personne. Ah ouais ? Parce que pour une personne, vous consommez en moyenne annuelle, chaque année, 200 kWh. Ah ouais ? Rien que pour la cuisson, pour faire... Voilà. À faire à manger, donc 200 kWh, rien que pour la cuisson, vous cuisinez avec 200 kWh, une personne pour toute l'année. Ah votre oui. veilleuse minimum, c'est 673 ah kWh. Oui. Donc, vous avez de quoi faire... Ah oui, c'est impressionnant, les chiffres. Alors, une petite question, j'ai un appart, je suis en ville, je pars le matin au boulot, j'éteins ma veilleuse, j'ai plus de chauffage, le soir, je reviens, il fait, je sais pas, 14 degrés, 13 degrés dans mon appartement, un peu plus si j'ai des voisins au-dessus et en-dessous. Est-ce que là, ça vaut le coup d'éteindre sa veilleuse, parce que ça veut dire que je rallume tout, et que là, il va y avoir une puissance qui va être assez forte, qui va sortir? Voilà, bah c'est justement, tout dépend, voilà, c'est ça, là c'est pas rentable. La question c'est le mode de vie, comment on vit. En fait, c'est chacun qui doit apprécier en fonction de son mode de vie. Effectivement, si vous souhaitez maintenir une température minimale dans votre appartement, bah forcément le chauffage va en hiver, en plein hiver, janvier, février, décembre, se mettre un petit peu en route, même si c'est pour maintenir seulement à 16. Donc vous aurez besoin de toute façon de laisser la veilleuse allumée. Voilà. Mais maintenant, si vous avez par exemple des voisins donc au-dessus, en dessous, qui chauffent beaucoup, qui chauffent bien, qui sont retraités et qui sont toute la journée chez eux, vous pouvez couper tranquillement. Il n'y a pas de souci, le soir, vous n'aurez pas besoin de... Voilà, idem si on est, comme tu dis, entre deux appartements au cinquième ou au troisième, ou si on est au rez-de-chaussée, voilà. Juste en dessous des cadres. Oui. Donc, mais c'est une question qui pouvait se poser parce que ça peut être effectivement, ça a l'air de rien, cette petite flamme qui vacille, ouais. Qui chauffe en permanence, mais ça consomme quand même pas mal. C'est... Bah comme quoi, tu vois, les petites questions qu'on nous pose ont quelquefois des réponses très surprenantes. En tout cas, faites gaffe à votre consommation cet hiver, ça c'est sûr. Eh bien écoute Bertrand, on te remercie beaucoup. Et puis j'espère que le mois prochain, un autre auditeur nous enverra une question. Exactement. À bientôt. À bientôt, au revoir. Il est l'heure de notre deuxième pause musicale. Alors, on va fêter un anniversaire. C'est une chanson qui a 60 ans. Et elle a été à l'époque 4 semaines d'affilée au Hit Parade, ça s'appelait comme ça, du mois de novembre 1962. Des meilleures ventes. Il s'agit de Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy. On écoute et on se retrouve juste après. Bon anniversaire. Filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure, je t'aime. Les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux. fais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Oh, quand donc pour moi brillera le soleil, comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Et on se retrouve maintenant avec une petite chronique qu'on a l'habitude de faire tous les mois, je sais qu'il plaît à de nombreuses personnes, le jeu de l'anniversaire des célébrités, donc les célébrités qui sont nées en novembre. Alors, vous êtes prêts autour de la table à prêt. Jouer ? Tout le monde joue ? On est prêt. Allez, son vrai nom est Finkelstein. Il est né le 11 novembre 1968 à Nancy. Il a donc aujourd'hui 54 ans. Il commence sa carrière à 14 ans. Comme animateur de radio dans l'émission Bleu Citron, diffusée en direct le mercredi après-midi sur la radio Rockin' Chair à Nancy. Jérôme Anthony. Oui, ouais. Jérôme Anthony. Bravo. Je connais pas. Alors, la deuxième célébrité. Il est né le 23 novembre 1953 à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Il aura donc 69 ans le 23. Il démarre la musique dans un orchestre de bal qui s'appelle Les Gaulois, dans lequel le chanteur Jean-Pierre Madère le remplacera à son départ. Il garde le look gaulois du groupe et commence à composer ses propres chansons. Il remporte un prix lors d'un radio-crochet sur la radio Sud Radio. Il est repéré par deux producteurs de Toulouse qui financent son premier album et le succès est immédiatement au rendez-vous. Bruno. Non, pas Bruno. Il a sorti de nombreux albums relevant principalement du domaine du folk, avec des incursions dans le blues, la country aussi. Reconnu pour ses ballades et chansons sentimentales, ses ventes de disques sont estimées aujourd'hui à plus de 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Tu dis 69 ans, non, c'est pas c'est Jérôme ? Il est encore vivant ? Ah oui, toujours. Ah, non, et toujours Jérôme. En pleine forme. Non, il est plus là. Moi, j'ai pensé à Bruno, parce que Bruno d'Agen, mais autrement, j'ai pas d'idée. Et à l'accent. Il y a l'accent qui va avec. Hein. Nougaro ? Non, il est malheureusement, il est non, décédé. Pardon, oui. Donc, oui. Toujours vivant. Allez, votre langue au chat. Bah, c'est oui. Vous qui payez l'apéro aujourd'hui. Super. C'est Francis Cabrel. Bon, maintenant, on va voir si j'ai la pizza à midi. Là, avec notre troisième célébrité, née en novembre. Alors, lui, il est né le 8 novembre 1935 à Sceaux. Il est toujours vivant. Son père était directeur du cinéma Le Regina à Bourg-la-Reine et sa mère était employée d'une pharmacie. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 4 ans et il est confié à une famille d'accueil. Notre célébrité a été militaire, débardeur royal à Paris, serveur sur les Champs-Élysées. Il est célèbre car devient acteur, réalisateur et producteur de cinéma. Franco-suisse. Sa carrière au cinéma commence en 1957. Jean-Luc Godard, non ? Non. Sa carrière commence au cinéma en 1957. Acteur parmi les plus populaires du cinéma français. Il joue dans des films qui attirent en salle un total de quelque 134 millions de spectateurs. Toujours vivant ? Toujours vivant. Ce qui fait de lui un champion du box-office au même titre que des Louis de Funès ou des Jean-Paul Belmondo. À la même époque, ayant partagé l'affiche avec de grands acteurs tels que Jean Gabin, Simone Signoret, Romy Schneider, Lino Ventura, un grand nombre de films dans lesquels il a joué sont devenus des classiques du cinéma, parmi lesquels, c'est bizarre, vous n'y avez pas encore trouvé, Plein Soleil, Rocco et ses frères, Le Guépard, L'Insoumis, Le Samouraï, La Piscine, Le Clan des Siciliens, Le Cercle Rouge, Borsalino. C'est Alain Delon, Alain Delon. Alain Delon. Bravo. Allez, on termine avec notre quatrième et dernière célébrité. Alors, attention. Cette célébrité est née le 7 septembre 1978 au Japon. Il a donc eu 44 ans. Ses aventures sont basées sur une collection de romans de space opéra, écrits par l'auteur Edmond Hamilton. La série réunit 13 histoires indépendantes, découpées chacune en 4 épisodes de 22 minutes. Cette adaptation des écrits de Hamilton reprend deux éléments clés des romans, des explications scientifiques didactiques et la supériorité de l'esprit sur la force brute. Il est issu d'une série télévisée d'animation japonaise, produite par le studio Toei Animation. C'est aussi le titre et le nom du héros principal de cette série. Personnage fictif, il faut savoir qu'au Québec, la série a été diffusée à partir du 7 septembre 1980 et elle est arrivée en France sur TF1 à partir de 1981. Goldorak. On n'est pas loin. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme. Voilà, il est presque l'heure de terminer notre émission, mais pas avant d'accueillir un petit nouveau, Patrick. Donc Patrick, toi, tu fais différentes activités et notamment, tu écris des poèmes. Et dans ce monde de brut, on s'est dit que ça ferait bien d'écouter un petit poète, quelque chose qui soit un peu plus positif. Donc tu nous as choisi parmi tes créations un poème qu'on t'invite à lire aujourd'hui. Et puis, les auditeurs sont d'accord, tu reviens tous les mois et tu nous lis une de tes poésies ou une poésie que tu aimes bien. On est d'accord ? On est d'accord. Alors, on va écouter ta première poésie et il s'appelle Patrick. Alors c'est « Il danse, tourne autour du monde. Monde qui tourne, qui danse à l'infini pour l'éternité. Éternité qui tourne, qui danse autour du monde. Monde qui fait danser et tourner l'humanité depuis les origines. » Eh ben voilà, ta première poésie. Alors, tu nous as expliqué pendant la préparation de l'émission, toutes ces poésies-là, elles t'arrivent comme ça, et tu les mets tout de suite sur papier ou tu les travailles aussi ? Celle-là, en fait, je l'ai écrite au cours d'un séjour poésie que j'ai fait avec les Amours à Clair-Sapin dans les Vosges. Ouais. Et on a travaillé avec un poète professionnel. D'accord. En fait, à la base, il a donné le titre et à partir de ça, il a fallu composer le poème. D'accord. Et d'ailleurs, Patrick anime aussi occasionnellement un atelier poésie avec nous au GSA. Et il fait partie d'une association qui s'appelle Ensemble, où il est dans ce moment membre du bureau, mais très actif, et qui s'appelle le groupe d'entraide mutuelle à Nancy. Le J'aime l'oiseau lire. Voilà, le J'aime l'oiseau lire. Voilà, et on invitera très prochainement à les responsables de l'association pour qu'ils nous en disent un petit peu plus sur cette association. Patrick, merci d'être venu, et puis on te retrouve le mois prochain. À bientôt. À bientôt. Eh bien, il est temps de rendre l'antenne. Notre émission se termine, comme disait Guy Lux et Léo Zitrone. On se retrouve pour une prochaine émission le mois prochain, même heure, même endroit. D'ici là, dans quelques instants, vous allez retrouver la suite des programmes sur Fadjet 94.2. Vous êtes prêts pour la prochaine édition le mois prochain? Et donc, comme on sera en décembre, on va parler de... Noël. Voilà. Eh ben, merci à tous. Au mois prochain. À bientôt. Ciao, bye bye. Bye bye. À bientôt, bye. Au revoir.